là. Je suis là pour tout casser. C'est mon HP. Elle trime des primes, la dépit de cours. Les cours du collège, elle peut les jeter. Poussée à continuer à ne pas connaître une destinée détériorée. Un BEP changera le niveau, elle aura la dos. Monte en elle des idées, des buts à atteindre. Internat et non un pensionnat. Le train-train quotidien. Les cours étudiés, y arriver. Monter dans cette société. Se démarquer, être au top. Fils. Trouver un débouché, ne pas déboucher les chiottes comme un desktop. Les années défilent, BEP dans la poche. Bac pro, elle décroche. Elle enchaîne un BTS, coupé de justesse. Là vient la sécheresse. Que faire par la suite, l'histoire s'enchaîne si vite. Faire un boulot plutôt. Un dos dans la tête, la vie toujours de fête. La banque, les dettes, en boîte, je suis une vedette. Wesh wesh, j'arrive en pas de danse, vas-y en cadence. Wow, la piste bouge, tourne, je pioche, je ricoche. Toutes ces femmes, ce soir c'est un festival. Un rail de coque, un cacheton, un litron de vodka. J'ai la panoplie du tombeur, discothèque, il a. Un verre de plus, là tout le monde me voit. Je suis le roi de la dance floor. Ouais, t'as vu la meuf là-bas, elle me kiffe. Je suis le voyou, je bois comme un trou. Je suis respecté. Celui qui bouge pour l'approcher, je laisse pas passer. Salut poupée, je te plais? Oui, je te connais, tu sortais avec Sof. Non, je te dis, j'aime pas la Smirnoff. Non, arrête pas pour l'instant, j'aime pas le rentre dedans. Ok, viens tourner sur la piste, je suis le roi de la glisse. Breakdance depuis 5 ans, couteau de Tarzan dans la poche, calibre dans le coffre. Montana, c'est rien ici bas. Étonnant, j'ai pas le temps. La vie défile, ce mec elle le kiffe. Elle se sent protégée, mais elle est en danger. Elle aime, le déteste, le et lui plaît. Elle veut être respectée, ne pas toucher. Ici c'est la loi du plus fort. Pour lui, femme faible, le mec le plus fort. Ce mec un château fort, la laisse enfermée. C'est sa propriété. Fini les femmes soumises, on est en 2005. On est tous libres, moi je lis pas la Bible. Je sais que mourir veut dire pas revenir. Tu aimes ta vie, comment tu consoles l'amour? Pars maintenant, avant que ça finisse un jour. En racontant ce mec, sa vie se dégrade, c'est passé son crâne sale, impercevable. Son argent passe pour lui, elle s'auto-détruit, maigrit, vit pas sa vie. Y'a pas de travers, il la frappe. Lui dit qu'il aime, pour lui taper, c'est aimer. Et qu'elle partira à l'hosto, il lui sortira les grands mots, tu es mon étoile filante. Et un je t'aime en conclusion. Elle ne veut pas partir, ne veut pas être seule. Peut-être s'attaquera à ses aimés, à mes biens. Elle le regarde, sourire crispé. Il lui dit souvent je t'aime, la gifle, et un jour c'est le crime. Tu aimes ta vie, comment tu conçois l'amour? Pars maintenant, avec ça finissait un jour. Au début une gifle, et ça finit au 22 longs rifles. Spécial dédicace à ceux qui se reconnaîtront. HP, toujours prêt à vous présenter 84 lourds. La haine, c'est la loi du plus fort.